France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Alain Prost, quadruple champion du monde, et Niki Lauda, le miraculé, appartiennent à la légende d'un sport au sommet de l'Olympe duquel trône l'Argentin Juan Manuel Fangio et l'Écossais Jim Clark. Ces noms, ceux de Graham Hill, Jacques Brabham et les autres, ceux aussi des génies constructeurs qu'étaient Enzo Ferrari et Colin Chapman, on les retrouvait au fil d'une série qu'en 1985, les Nuits Magnétiques consacraient à la Formule 1. Cette année-là, Alain Prost remportait son premier championnat du monde des pilotes, un titre manqué l'année précédente d'un minuscule demi-point de retard sur Niki Lauda, son coéquipier et néanmoins adversaire, au sein de l'écurie McLaren. Cette année-là, les moteurs vrombissaient sur France Culture, on s'agitait dans les stands et, en attendant que s'abatte le drapeau à damier au dernier passage de la ligne, Jean-Philippe Domecq invitait les auditeurs à découvrir ce qui se passait sous les casques des pilotes, sous les capots des bolides et sur les circuits de Monza, du Nürburgring ou de Monaco. Le grand cirque de la Formule 1, premier épisode d'une série de quatre avec Laurent Condominas, André Velter, Johnny Rive et Jean-Philippe Held et des textes de Roger Vaillant et Jean-Philippe Domecq. Bonsoir. Ce soir, et toute la semaine, le grand cirque de la Formule 1. Jean-Philippe Domecq, Laurent Condominas, Mehdi El Hadj, Alain Berthet. Il y a des gens comme ça qui paraissent peut-être immortels, quoi. Parmi les stars d'aujourd'hui, quand une star est vraiment une grande star, c'est tellement un mythe. Un mythe n'étant pas mortel, l'homme lui-même ne l'est pas, quoi, je veux dire. Donc quand Clark est mort, certainement que personne n'a vraiment compris, quoi, surtout ceux qui étaient loin. Et même ceux qui étaient près, puisqu'ils étaient loin aussi, puisqu'il est mort dans la forêt là-bas au fond du circuit d'Hockenheim. Et quand les autres... ont dû s'arrêter, je ne sais plus comment ça s'est passé, enfin quand on a su qu'il était mort là-bas au circuit, ils n'ont pas dû comprendre, ça devait être complètement irréel. Et ça allait un petit peu pour tous d'ailleurs. Je me souviens du jour où Patrick est mort à Hockenheim aussi. On était en vacances à Cabourg avec Jacques Lafitte et Jean-Pierre Jabouille. Et on n'y croit pas, quoi. On n'y croit pas. Alors Clark, il paraissait vraiment invincible, quoi. C'était vraiment un mythe. C'est comme si Fangio était mort, quoi. C'est comme Le plus rapide de 56 secondes 46 millièmes, battant de 8 secondes et demie, la foule possède ceci il y a 2 ans, réalisé alors par Alain Prost. Les voitures ont évolué, le remède est mieux la route. Tu vas voir, Jean-Philippe. C'est vendredi, le premier jour des essais, et les premiers moteurs vont partir. Il faut dire que l'origine des courses de voitures remonte certainement à la création de la deuxième automobile. Il a suffi de deux voitures pour faire une course automobile, très certainement. Ensuite de ça, il y avait tellement de voitures, il a fallu les ranger comme on fait toujours, les catégoriser. Alors, le néophyte reconnaît les voitures à leur absence apparente ou non de roues. Si les roues ne sont pas visibles, ce sont des voitures qui vont rouler très très loin. Ce sont les voitures d'endurance. Peut-être vont-elles même rouler 24 heures. Si les roues, les quatre roues sont visibles et protubérantes, ces voitures ne vont pas tenir longtemps. C'est étrange, mais elles vont donner l'effort maximum. Normalement, une voiture donc, qui est dépourvue d'ailes ou de garde-boue devrait manquer d'esthétique. Parce que les roues ne sont pas belles, les suspensions sont apparentes. Il y a un côté tringlerie comme ça visible, plomberie extérieure, qui pourrait être butante. Pas du tout. En plus de ça, on pourrait croire que plus une voiture est grosse, plus elle est belle. Pas du tout non plus, puisqu'il s'agit de se faufiler, il s'agit d'être souple, il s'agit d'être à un moment ou un autre invisible. Le problème de certains pilotes, justement, avant de doubler un autre, c'est d'être invisible, tapis dans son ombre, collé à son pot d'échappement. Et d'un seul coup, il est là. Et parfois, les pilotes le disent. Le pilote qui est en tête et qui commence à avoir un problème mécanique, il surveille l'arrivée d'une tache rouge, d'une tache noire ou bleue, le concurrent qui arrive. Il l'a dans un cinéma, un écran extraordinaire qui est placé de part et d'autre de sa voiture, c'est les tout petits, minuscules rétroviseurs qui lui permettent de contrôler le passé. Le passé, attention, cours camarade, car le vieux monde est derrière toi, vraiment, à tout moment, il y a un renouvellement possible des valeurs. Et c'est le grand intérêt d'ailleurs de la Formule 1, comme de toute compétition certainement, à part que la Formule 1 s'étale sur une année. La Formule 1 a ce côté périodique, cyclique. Et dans l'espace. Et dans l'espace. Elle s'étale dans l'espace. Elle a besoin de prendre le ciel à témoin parce qu'il lui faut au moins 4 à 5, 6 kilomètres de déploiement. Cela implique donc régénérescence, dégénérescence, stagnation, percée. Naufrage éventuel, envolé, hélas. L'entrée au cirque. Dans la campagne, aux villages et petites routes, passer les sorties d'autoroutes, de plus en plus de panneaux, stades automobiles. Une dernière colline, et jusqu'au plateau, sans fin, deux serpents de voitures bordent la route, où il faut s'avancer, lentement entre ces deux rangées métalliques, vers tous les parkings là-bas qui brillent sur le fond vert des prés, des collines, des caves. Entre les parkings, une foule marche sur un demi-kilomètre avant de voir les grillages, les tribunes, affiches et banderoles. Il y a des capsules et des bouteilles qui traînent, et casquette ou pas, les gens s'agglutinent devant les marchands de hot-dogs, se penchent sur une des voitures de sport garées près du chemin, plate et ailée comme un astronef. Mais les paroles, les blagues sont couvertes par le miaulement de bolides qui s'entraînent avant le départ. Le miaulement se répercute sous les quelques nuages pour résonner vers les forêts, dans un peu plus d'une heure. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le paysage des circuits. Songeons par exemple que l'année dernière, au Grand Prix d'Autriche, qui est un très beau circuit, il se passe dans les montagnes d'Autriche, entre de très hauts sapins, l'une des zones d'Europe où les sapins sont les plus hauts, comme d'ailleurs autour du fameux circuit du Nürburgring en Allemagne. Et les vallées sont à la fois profondes, mais avec un écho très vite répercuté depuis le circuit. Dans le circuit de Zeltweg en Autriche. Ce qui fait que l'année dernière, par exemple, lorsque Lauda s'est retrouvé en tête, c'est-à-dire l'enfant du pays, l'Autrichien, la foule qui était venue essentiellement pour lui, puisque le coefficient nationaliste du sport est toujours évident, l'applaudissait très fort, le soutenait, et voilà qu'à 12 tours de la fin, on voit Lauda dans un virage serrer le poing et le brandir, parce que, nous a-t-il dit plus tard, la troisième ne passait plus. Donc il passait de la deuxième à la quatrième à la seconde. Et puis un énorme vacarme sort du moteur, il décide de continuer. Il décide de continuer à une vitesse un petit peu moindre, c'est-à-dire non pas des pointes de 300 dans la grande ligne droite, mais 285. Il va finir par gagner. Mais il est évident que, pendant ça, le public entendait au moteur. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un moteur turbo, c'est un vacarme. Certes, ça fait un bruit terrible, on l'entend assez dans cette émission, mais... c'est un moteur, c'est un bruit élégant, c'est un feulement, c'est un sifflement, c'est une lointaine ruche. Là, tout d'un coup, le public entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que, tout simplement, l'arbre moteur peut se bloquer et Lauda peut se retrouver avec un bolide qui se bloque à 280 à l'heure. Donc la foule était d'autant plus enthousiasmée. Et l'écho, à ce moment-là, l'écho des cris de la foule a commencé à monter et se répercuter de vallée en vallée. Ça, c'est une spécificité de ce circuit. Mise au point des moteurs. Plage d'utilisation de 9500 à 10 000 tours minute. 9300 à 10 200. 9000 à 10 500. 8800 à 10 700. 8200. 8000. 7800 tours minute. 'Pour de ces vibrations qu'on sent dans le corps et dans l'espace, le nouveau circuit du Nürburgring a été construit avec beaucoup de soin, beaucoup de masses de béton. D'ailleurs, on a élagué beaucoup de forêts au grand dam des verts, des écologistes allemands. Lorsqu'a lieu le départ, sur ce circuit véritablement bétonné, on peut le dire, et qu'on est près de la ligne de départ, lorsque les 26 moteurs chauffent, hurlent et sont à 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes du départ, on s'aperçoit que tout tremble dans le béton sous les pieds, dans le béton des gradins, que l'air tremble et que le son se répercute dans les forêts avoisinantes et circule entre les troncs. À cela se doublent les images que vous avez aussi bien au Nürburgring qu'à Zeldweg ou à Francorchamps dans les Ardennes, de ces bolides qui sont, je le rappelle, des engins qui ne sont pas plus hauts que 50 cm, c'est-à-dire ce sont presque des jouets quand on les voit, ces bolides qui filent entre des sapins, qui ont des chiffres, des couleurs, Marlboro, blanc, rouge, des couleurs bleues, des couleurs de jouets, très nettes, un peu comme un râteau d'enfant en plastique rouge sur un pré vert, n'est-ce pas? Et là, entre les arbres, vous avez cela, c'est-à-dire ce son, cette forme, très basse, et puis ce bruit qui va se mettre à circuler parmi les troncs des sapins. Au Nürburgring toujours, un autre phénomène sonore, dans le nouveau tracé, il y a un virage très aigu avant les tribunes. Si vous êtes, vous, dans les tribunes, vous voyez apparaître les voitures, puis elles sont cachées par la rampe, puisque j'ai dit qu'elles sont très basses, puis elles réapparaissent ensuite à la sortie du virage. Mais vous les voyez, le son ne vient pas. Vous avez une vibration d'air dans l'air et qui vous donne cette sensation étonnante d'un son silencieux. C'est-à-dire d'ondes dont vous n'entendez pas encore le son mais dont vous pressentez le son. Et puis tout d'un coup, les voitures apparaissent. Elles apparaissent, elles passent devant vous et là tout d'un coup la clameur monte. Sortie des stands. Non seulement c'est vrai, le spectateur, le bruit des moteurs, tout ça compte beaucoup pour le néophyte qui arrive là-dedans. Mais pour le pilote, c'est le problème du musicien. Ce que le musicien pense pendant qu'il joue du piano, il ne pense pas. Il exécute, il module son effort, il module le son, il module les autres aussi. Il glisse, il y a beaucoup de phénomènes d'ondes dans une course de Formule 1, sans doute dans la compétition, mais dans la Formule 1 précisément. Et d'ondes de diverses... de diverses natures. L'onde physique, l'onde de la concentration, le moment où tu montes ou tu descends, dans les placements, dans le classement, à l'intérieur du circuit qui lui-même est une modulation, enfin une sorte de formidable représentation microcosmique du monde, du terrain. Ça monte, ça descend, ça tourne, ça va tout droit, ça semble se heurter, au contraire, ça s'élargit, car la route, on peut le voir, s'élargit ou se rétrécit selon un circuit. D'ailleurs, c'est la grande différence entre les circuits, c'est peut-être déjà la largeur de la chaussée qui permet ou non de doubler un concurrent. L'angle de fermeture des virages, encore une modulation cette fois-ci de l'espace, l'appel un peu étrange du moteur. On le comparait récemment avec l'éruption du volcan. C'est vrai que le matin, la vraie chose magique de la compétition, c'est le premier jour des essais, au moment où le mécano, un des mécanos, allume le premier moteur. D'un seul coup, le monde tel qu'on l'a connu cesse d'être. C'est un chant vraiment impérieux, on peut le dire. Quand on aime ou qu'on n'aime pas, il vous fait vibrer le socle de la montre, il fait vibrer les tympans, c'est certain, mais tous des règles. Le premier moteur est parti. Et à l'inverse, d'ailleurs, dès la victoire, tout le monde plie bagage et s'en va. C'est le moment de la musique. Il n'y a même pas le silence de Mozart, c'est instantané. Johnny Rive, journaliste. Les derniers moments sont difficiles à franchir parce que tout a été fait. À part dans les équipes où il y a eu un incident, où il faut changer la boîte de vitesse ou le moteur au dernier moment, il faut attendre, quoi. C'est ça qui est long. Tout est fait, il faut attendre un moment difficile, le départ où tout va jouer, qui est un moment en plus qui est dangereux, quoi. Toutes les voitures sont réunies, elles ne sont jamais autant groupées qu'au moment du départ. Thank you. jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American. Ain't no lion or tiger, ain't no mama snake. Just a sweet watermelon in the buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little wog, sail away with me. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Le pilote. Au volant, pense. Clairement pas. La conduite automobile, comme les grands états de... dans la quête spirituelle, ou les grands états que l'on peut connaître par certaines méthodes de méditation orientale, telles que propose le zen, le taoïsme, implique un état autre que celui de la pensée. Il est évident qu'un pilote ne conduit ni avec sa pensée, ni avec son inconscient. Son inconscient, ça paraît évident à tout le monde, hein, parce qu'à ce moment-là, il n'aura sûrement pas les réactions qu'il faut. La pensée non plus, car elle est trop lente. Elle décompose, la pensée est analytique. Donc est mis en jeu un phénomène que, dans le domaine philosophique, dans le domaine artistique, on appelle l'intuition. Et là, il va falloir peut-être développer la chimie de cette intuition pour ce qui est du sport. Mais je relève que Roger Vaillant disait, par exemple, qu'il ne peut sûrement pas y avoir de grands champions qui ne soient intelligents. Mais ce n'est pas de l'ordre de la pensée. Hein, n'est-ce pas ? Quand les choses se passent au centième de seconde près, un dépassement, ça se joue à ce coefficient-là, c'est une zone de l'esprit qui est à la fois anticipatrice, qui implique en même temps un faisceau du regard extrêmement élargi. On sait que le pilote a, dans les moments d'extrême attention, l'angle des regards qui s'ouvre, qui atteint, je crois, 100 degrés, hein, dans le moment d'extrême attaque ou dans le moment d'extrême danger. Une vigilance très aiguë, une pression interne qui fait que les facultés vont être suractivées. Et il est évident, comme dans les pratiques de méditation orientale, qu'à ce moment-là, on est en présence d'états supérieurs, qui dépasse de loin l'état de la pensée. En fait, c'est la stabilité. C'est le problème du pilote, le problème mental du pilote, c'est l'intelligence de l'équilibre. La stabilité, c'est la continuité de l'existence de soi-même dans le vide, ou dans les vides, dans différents vides, qu'il soit celui de la vitesse, celui de l'extérieur, celui de simplement ce qui se passe en dessous, parce que les fesses du pilote sont à 5 cm, 10 cm du sol. Le pilote est toujours attaché, comme on le sait, à sa voiture par le harnais de sécurité, mais il pratique vraiment la stabilité au sens où Michel Serres la définit. c'est-à-dire l'équilibre, le chemin d'un extrême à l'autre, car le monde bouge, et le circuit va le représenter. Le monde bouge et celui qui ne bouge pas avec le monde recule. Il est donc en perte de stabilité. Avancer sur un circuit, ça veut dire avancer plus vite que les autres, puisque le pilote qui se fait prendre un tour perd vraisemblablement une journée. Il est donc déstabilisé par rapport au monde. Et le monde, c'est les autres. Le monde, c'est le consensus de tous les autres. Il faut donc être soit devant, soit derrière, mais dans la même temporalité. Dans le même fuseau horaire. Dans le même fuseau horaire. Et donc, l'exercice du pilote, c'est quand même la stabilité maximum. Est-ce qu'on pense quand on marche? Est-ce qu'on pense quand on est funambuliste? Est-ce qu'on doit penser? Non. On est à la recherche des deux pôles. Il faut être le pôle supérieur et le pôle inférieur à tour de rôle, mais jamais l'un des deux seulement. Sinon, effectivement, on est le plus vite et on va droit sur un mur, ou on est le plus lent et on tourne quand il faut aller tout droit. Donc il y aurait chez les pilotes une certaine aptitude au vide intérieur. C'est analogue, au fond, le débat que tu ouvres est analogue au débat sur l'inspiration dans la création artistique. Quelle est cette inspiration? Comme pour le pilote, ce que j'appelle le bon état dans le roman Sirène, c'est l'état de la discipline. C'est-à-dire que par la concentration extrême, par la préparation physique, mais aussi mentale, qui fait qu'il va faire du circuit pour lequel il s'apprête un circuit intérieur. Une fois qu'il aura complètement assimilé ses repères, les zones de freinage, les zones d'accélération, ses possibilités par rapport aux autres pilotes, le fait que telle autre voiture, tel concurrent sera supérieur à lui en accélération ou à bas régime, par contre lui, il peut le rattraper à tel virage avant la zone de freinage, etc. Tous ces paramètres, ça fait des milliers de paramètres. Lorsque le pilote a intégré cela, il est dans l'état de concentration, auquel il se prépare, auquel il se voue. Mais c'est comme l'artiste qui a des dizaines d'années de formation, ce qu'on appelle les années de formation, plus la discipline qu'implique le fait de peindre, d'écrire quotidiennement. Mais au-delà de cela, quel est l'intérêt de tout cela? L'intérêt de tout cela, ce n'est pas d'en rester au travail, d'en rester à la discipline. C'est que vient un moment qu'on appelle la grâce dans le domaine mystique, qu'on appelle l'inspiration dans le domaine créatif, et que dans le roman sur mon pilote de Formule 1, j'appelle le bon état, un moment où, tout d'un coup, les choses se font au-delà de la discipline, dans une espèce d'euphorie froide. Et là, ce n'est plus tout à fait le pilote qui conduit. On sent cela, par exemple, dans le Grand Prix d'Estoril de 1985, où, visiblement, Ayrton Senna a conduit au départ dans les conditions d'extrême difficulté, mais à un moment les a dépassés. Il avait pourtant les bras de plus en plus glacés. Il voyait de moins en moins. Mais il allait de plus en plus vite. Plus la pluie tombait, plus il allait vite. Là, il était dépassé par sa... En tout cas, il dépassait son travail. Il ne travaillait plus. Et on peut même se demander, comme Rimbaud, si son jeu n'était pas un autre. Dans cette analogie avec les philosophies orientales et les méthodes de concentration et de méditation orientale, il y en a une qui se rapporte un peu peut-être au tantrique, c'est le rapport des pilotes avec leur corps. Leur corps est l'instrument qui va permettre à leur moi ou à leur âme, hein, ou ce que vous voudrez, de poursuivre ce chemin, ce Tao, donc mécanique. Un exemple, c'est quand il y avait à un moment une loi technique permettait aux voitures d'atteindre des vitesses extraordinaires en étant justement plaquées au sol par une technique qu'on appelait l'effet de sol. Mais l'effet de sol impliquait une concentration de la gravité tellement intense dans les virages que le coup, la tête des pilotes devenait trop lourde. Qu'ont ils fait ces années-là? Ils se sont mis à travailler à musculation du cou. Vous leur donneriez des voitures avec une direction très très difficile, ils travailleraient leurs bras. Des pédales difficiles, ils travailleraient leurs pieds. C'est un homme détaché, complètement détaché. Il conduit de la tête et des mains, et des pieds, c'est sûr. Savoir si la voiture est une extension du corps ou le corps une extension de la voiture, à un moment, je crois que le barrage est très très flou, très très vague. On en arrive dans une... dans, je crois, l'essence, la première partie du chemin tantrique est accomplie, en tout cas par le pilote. Pas la deuxième, mais la première, qui consiste à refuser la carnalité première uniquement dans le but de leur sagesse, de leur voix. Oui, pour moi, il y a les paradoxes dans cette concentration automobile, surtout si l'on essaye de les mettre en regard de la concentration orientale telle qu'elle se pratique. Parce que du vacarme au lieu de silence, pour peut-être un même silence intérieur. Des foules au lieu des solitudes, pour une même solitude intime. André Velter. Du mouvement au lieu d'un équilibre immobile, pour une même immobilité profonde. On a l'impression qu'ici, pour se concentrer, on va chercher les ingrédients diamétralement opposés de ceux qui fonctionnent d'habitude chez les ermites de l'Himalaya ou chez les yogis indiens. Il est d'ailleurs très possible que dans le sport se joue peut-être une forme de concentration, de travail sur soi, analogue à ceux que tu as suggérés, que tu as évoqués, mais qui, eux, ont une tradition, alors que dans le sport, nous ne sommes pas en présence d'une tradition comme pour le taoïsme, le zen. Ils n'ont pas de discours s'ils ont un langage. Ils n'ont pas un discours qui les précède. Je dis, ils ont un langage, ils ont leur style. Chacun sait qu'un grand champion comme un grand artiste a son style, et on pourra en définir certains. Ils ont leur méthode de concentration qu'ils inventent chacun. Dans le cas de la tauromachie, par exemple, il y a la méthode de concentration de chacun, mais il y a aussi une tradition de la concentration tauromachique. Par exemple, la prière à la Vierge. C'est-à-dire que la tradition tauromachique se broche sur la tradition religieuse. Mais dans le cas du sport automobile, il n'y a rien de tout cela. Et on peut se demander si, à travers ce sport qui est le plus moderne de tous, on n'a pas une image des pratiques sur soi qui sont peut-être les plus poussées ou les seules possibles en Occident, peut-être avec l'art, mais il faudrait voir. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de vivre quelque chose d'analogue à ce qui peut se passer par les pratiques taoïstes ou le zen, mais précisément, c'est grâce à cette ignorance, parce qu'ils le font en inconscience de cause, qu'ils arrivent peut-être aux seuls états ultimes que puissent nous permettre les conditions qui nous sont faites en Occident, les conditions de vie qui nous sont faites en Occident. On voit bien d'ailleurs la contradiction qu'ils incarnent d'une certaine façon, puisque la concentration d'un pilote a toujours quelque chose de funambule. Elle s'effectue toujours sur un fond d'affolement physique, puisqu'une heure avant le départ de la course, le pouls atteint déjà un rythme très élevé. Alors que on sait parfaitement que dans les techniques de concentration orientale, il s'agit d'apaiser au maximum tous les troubles intérieurs. Là, c'est au contraire par un affolement de la physiologie que l'on arrive à se mettre en marche et à atteindre le fameux bon état. Voilà, exactement. De même que toutes les traditions, finalement, aussi bien en Occident qu'en Orient, qui partent d'une problématique religieuse, qu'il s'agisse de la chrétienté ou qu'il s'agisse du taoïsme, par exemple, partent d'une idéologie du retrait. C'est le principe de l'ascèse par le retrait. Mais je crois qu'en Occident, c'est plutôt l'ascèse par l'excès. C'est-à-dire là, au lieu de se retirer du monde, on joue à plein le monde de la technique. Et nous sommes en plein dans le monde de la high technology, comme on l'a dit. Au lieu de se retirer du caractère ludique de l'existence, de l'enfantillage des activités humaines, au contraire, on pousse cela à bout, puisque l'automobile, son charme, son succès fait que c'est le jouet adulte. Au lieu de se retirer dans le calme, on se retire dans la vitesse. De même, l'Occident, dit-on, est malade de la concurrence, dont il a fait le ressort essentiel du fonctionnement social. Mais qu'est-ce qui se passe là? En effet, il y a concurrence. Concurrence exacerbée, puisque on se double les uns les autres, de même que dans la société, on essaye de gagner plus que le voisin. On se double les uns les autres, au risque parfois de s'éliminer. Quand on s'élimine à 200 à l'heure, ça peut aller loin. Donc on touche presque à la valeur mortifère de la concurrence. Mais au-delà de cela, l'État suprême, c'est celui qui se rend compte que véritablement gagner, comme le dit Niki Lauda ou Patrick Tambay, qui sont peut-être parmi les deux seuls les plus intériorisés du lot à l'heure actuelle, disent « je ne cherche pas à doubler l'autre, c'est moi-même que je cherche à doubler ». « Jean-Francis Held, journaliste. Il me semble qu'il n'y a plus de mythologie. Il n'y a plus de mythologie au sens où, justement, on pouvait l'entendre dans les années 60, début 70, sur l'automobile. D'abord parce que la compétition automobile a perdu, et je trouve ça très bien entendu, une partie de son côté course de taureau avec les gentlemen drivers qui fonçaient à toute barde et qui, genre Portago, etc. Et avec la mortalité extraordinaire. Moi, je me rappelle, quand je suivais les Grands Prix ou les 24 Heures du Mans, ce choc que je recevais, encore un, chaque fois, Jim Clark, machin, Pierce Courage, il n'y avait pas une saison sans qu'il reste une dizaine de coureurs au tapis. Bon, c'était quelque chose d'absolument intolérable. C'était pas la mythologie la plus intéressante, à mon avis. Bon, mais tout de même, je me rappelle avoir écrit un papier sur la mort d'un pilote de seconde de notoriété qui s'appelait Hansen Lansgen, aux 24 heures du Mans, en essayant les Ford 7 litres, les grosses Ford 7 litres. Et je me rappelle, j'ai pas les chiffres en tête, mais je me rappelle, bon, qu'il se tapait sous la pluie, les lumières à 270, sa moyenne au tour sous la pluie était plus importante, plus rapide que celle que réalisaient très peu d'années auparavant les voitures les plus rapides sur temps sec. Bon. Il y avait quelque chose là d'une démesure, un côté Goliath absolument formidable. Donc, toute cette coïncidence abominablement privilégiée entre la puissance des voitures, mais ça existait déjà en 39, hein, avec les Mercedes, avec les flèches d'argent et tout, qui faisait quand même dans les 700 chevaux à l'époque. Mais il y a tout de même une époque où le côté artisanal, aventureux et aventuré de la compétition automobile, coïncidait encore avec une puissance et des progrès techniques absolument fantastiques. Maintenant, grâce à l'action des pilotes de compétition, en majeure partie, parce que c'est pas les organisateurs ni les spectateurs qui ont poussé à ça, eh bien, on se tue infiniment moins en circuit. Les pilotes sont devenus des sportifs scientifiques. Il y a des règlements qui sont plus axés sur la sécurité, en particulier la sécurité active et passive des voitures et celle du circuit. Par conséquent, il me semble qu'il n'y a plus de magie. Il y a un sport fantastique. Ça n'est pas une critique de qualité que je fais. Je vois toujours un Grand Prix avec énormément de plaisir, mais c'est devenu un sport exact. Hein. C'est poussé à un degré de précision qu'on n'avait jamais connu. Hein, quand on a vu à Monaco, par exemple, la façon dont les dépassements se sont faits, bon, il y a eu un pépin. Hein, mais vraiment, ça se passe à 2 centimètres, bon, les uns des autres. Bon, il me semble qu'il y a une arrivée à l'âge adulte de la compétition automobile. C'est très beau l'âge adulte, hein. C'est la connaissance, c'est l'exactitude, c'est la technicité, mais ça n'est plus l'espèce de rêve adolescent de fantasmagorie, d'explosion, de feu d'artifice dans tous les domaines que connaissait le sport automobile, je ne dis pas dans son enfance, mais dans son adolescence. Il y avait quelque chose de plus lyrique. Revenir sur ce que tu viens de dire avec juste raison sur les pilotes Tambay et Loda qui disent ça n'est pas les autres que je double, c'est moi-même. Il y a là quelque chose d'extraordinaire parce que quand on voit une course, en fait la course pour les pilotes ça n'est que le moment de la révélation. Tout leur travail tient dans les essais. Il est concrétisé par quoi? Par un arbitre. Et quel est cet arbitre? Le temps. Et comment se manifeste l'approbation de cet arbitre? Par la diminution même du temps. Alors, on prend un circuit, disons le circuit d'Imola. Disons encore que le record du tour de l'année dernière date à laquelle on a couru sur ce circuit, est de 1 minute 21 secondes 50 centièmes. Je prends des chiffres totalement arbitraires. Le but va de soi. Il faudra faire au moins 1 minute 21 secondes 49 centièmes. Bon, alors ça, c'est très joli, mais on peut aller très loin comme ça, on peut se retrouver à 1 seconde, on peut se retrouver à 1/2 seconde pour faire un circuit. Et tu parlais de la mort, mais la mort elle est d'abord dans la négation même de la création de l'univers, presque, puisqu'il s'agit d'annuler totalement le temps, non pas de le prendre à rebours. On retrouve le principe de la devinette chinoise, qu'est-ce qui recouvre le monde et qui n'a pas d'ombre ? c'est la route. Public fanatique, important, qui vient voir les courses. Donc c'est des types très partisans, très véhéments, très enthousiastes, pas toujours dans le bon sens du terme. Bon, alors il faut les canaliser. En plus, Monza, c'est certainement le circuit au monde où le public est traité avec le moins d'égards. C'est-à-dire que les gens sont... Il n'y a pas beaucoup de gradins, ils sont au niveau de la piste... debout, à eux de se débrouiller, c'est le système D qui va tout pour monter un petit échafaudage, puis dominer un peu la piste, voir quelque chose. Donc José Rosinski avait assisté à une délicieuse anecdote. Un type était arrivé avec ses pinces coupantes, il avait découpé le grillage, il avait fait un passage, il s'était mis derrière, à chaque type qui empruntait le passage qu'il avait ainsi pratiqué, il demandait 1000 lire. C'est si simple. Et moi, j'ai assisté aussi à une anecdote assez amusante. C'est à l'entrée, entre la salle de presse et les stands, il y a une entrée où se pressent 250 ou 300 types qui espèrent... Je ne sais pas s'ils savent ou qu'ils ne savent pas, il va falloir un billet un peu spécial pour entrer là, celui que nous avons nous, ou celui qu'ont les pilotes, peu importe. Alors, c'est une toute petite porte, et là, devant cette porte, une grappe humaine. Alors, il faut se frayer un passage difficile. Alors, il y en a un sur quatre qui a le bon billet, donc il essaie d'entrer. Ceux qui essaient de profiter de son sillage pour entrer derrière. Et je me souviens, devant moi, il y avait un type avec son petit garçon. Alors, je me disais, est-ce qu'il a un billet ? Lui, j'en doutais un peu. Il n'avait pas l'air vraiment professionnel. Il avait l'air d'arriver là. Il avait dû dire à son gamin, tiens, on va aller voir les voitures de course de près. Et tu vas voir, c'est beau. Ou je ne sais pas. Ou le môme m'avait demandé à son papa, papa, si on pouvait approcher les autos. Allez, on y va. Et ça, c'est un côté sympa des Italiens. Attention. Et à un moment donné, le type, il tape sur l'épaule de celui qui était devant lui. Et il dit, monsieur, quand vous aurez passé le passage, quand vous aurez passé le contrôleur, là, vous ne voulez pas me passer votre billet par le grillage ? Et l'autre lui dit, il billetto, che billetto ? Nelson Piquet, le champion du monde 83, par exemple, dans un palace à Monaco, entouré de journalistes, s'assoit sur un siège Voltaire, dans sa tenue d'amiante, et serre les lacets de ses chaussures. Tout ça sur un fond de vieux palace. Voilà une image. Dimanche 5 avril 1957, juste 8 jours avant la 13e course automobile des 1000 milles, on dansait dans les salons de l'Hôtel Royal à Modène. L'Hôtel Royal est situé au carrefour de 3 avenues. L'une mène aux usines Maserati, l'autre aux usines Ferrari. Il ne reste plus, cette année, dans le monde entier, que Maserati et Ferrari pour inscrire des voitures dans toutes les courses d'importance et pour entretenir des écuries de coureurs. Les grands champions, qui viennent essayer leur voiture à l'usine et sur la piste de Modène, descendent à l'Hôtel Royal. Ils y sont nombreux toute l'année, ils y étaient particulièrement nombreux à une semaine des 1000 milles. À 7 heures, les coureurs commencèrent à passer dans la salle à manger. Ils dînent tôt et se couchent tôt. Au fond, la table de Stirling Moss, numéro 2 du championnat du monde 1956, entourée de ses mécaniciens, de son coéquipier des 1000 milles, le journaliste barbu Jenkinson, de sa fiancée, une robuste écossaise aux épaules carrées, aux joues de lys et de rose, au rire éclatant, de ses amis et admirateurs. Tous des Anglais. À l'autre bout de la salle à manger, Jean Béra, le numéro 1 des champions français, le numéro 4 du championnat du monde 1956, jouait au tarot, à la Briscola, avec ses copains italiens des mécanos de chez Maserati. Scarlatti, le nouvel espoir italien, deux grands yeux noirs qui mangent un visage maigre et brun. À une table voisine, Nelson, journaliste américain et coéquipier de Deportago. Personne ne s'occupait de Scarlatti ni de Nelson. Tarufi entra, qui allait gagner les 1000 milles. 52 ans, une chevelure de lion mais tout à fait blanche. Un vieux lion blanchi dans les combats. Romain de Rome, il a pris à force de courir avec et contre les anglo-saxons, l'allure d'un vieux gentleman. Tarufi alla serrer la main de Béra, qui lui tendit la sienne, mais ne se leva pas. Scarlatti se leva et s'avança au devant de Tarufi, qui qui lui posa une question, lui tapa sur l'épaule et poursuivit jusqu'à la table des Anglais. Stirling Moss se leva pour tendre la main à Taroufi, mais ne s'avança pas au-devant de lui. Taroufi s'inclina devant la fiancée de Moss, dit une blague en anglais à Jenkinson, le journaliste barbu, et alla s'asseoir à une autre table. Sa jeune femme vint le rejoindre. C'est une belle romaine, avec l'accent du Trastevere. À Paris, on dirait l'accent de Belleville. Tout cela, ces différentes manières de saluer et de ne pas saluer, ce partage des tables, ce choix des voisinages, étaient pleins de signification, car ces hommes qui étaient en train de dîner ce soir dans la même salle à manger, qui s'aiment ou qui ne s'aiment pas, qui se respectent ou ne se respectent pas, qui établissent entre eux des hiérarchies qui ne sont pas toujours celles des grands prix, s'affrontent presque chaque dimanche de la saison automobile dans des duels dont la sanction est souvent la mort. Près de nous, de Portago éleva la voix. Il portait la chemise déboutonnée sur une poitrine velue. Il n'était pas rasé depuis plusieurs jours, semblait-il, le poil noir. Large des épaules, mince des hanches, nonchalamment appuyé à un dossier de chaise. Nous venions de reconnaître l'itinéraire des mille milles. Sur de nombreux murs, nous avions remarqué, écrit à la craie, « Viva España 531 ». C'étaient des jeunes filles qui avaient écrit cela. Parce que de Portago était espagnol, parce que sa voiture des mille milles portait le numéro 531. Toutes les Italiennes étaient un peu ou beaucoup amoureuses de lui. « Il faut croire en quelque chose », disait-il au journaliste. Il détacha bien les mots « I have faith in myself »,« Je crois en moi ». Cordelia, le barman et les tifosi qui nous entouraient et qui avaient entendu blêmirent. Il fit rapidement les cornes, index et annulaire pointés vers le sol, conjuration élémentaire pour protéger contre lui-même celui qui, à la veille de courir, avait l'audace de proclamer qu'il croyait en soi. Roger Vaillant, avant les 24 heures du Mans, France Soir, 1957. Regazzoni a eu un accident très impressionnant à Long Beach en quelle année, je me souviens plus, 80-81. Et par hasard, je me trouvais dans le virage où l'accident s'est produit, c'est-à-dire c'est au bout de la longue ligne droite de Long Beach qui s'appelle Shoreline Drive. C'est au bord de mer, c'est une espèce de rocade qui suit le bord de mer et qui est utilisé, enfin le circuit d'empreinte est... Au bout de cette ligne droite qui doit mesurer à peu près 1,5 km ou 2 km, une épingle à cheveux et qui impose aux voitures de faire demi-tour donc sur une espèce de grande allée comme ça. Donc c'est une épingle à cheveux qui se négocie à peut-être 70 km/h. Comme les voitures arrivent lancées à quelque chose comme 280 ou 300, il faut un gros freinage. Et c'est là que Regazzoni a eu un incident de frein. Donc au moment où il sollicitait ses freins, pour ralentir pour l'épingle, plus rien. Alors, il y a eu une petite discussion, on n'a pas su si c'était la pédale de frein elle-même qui avait cassé, ou bien un autre incident. On a cru au début que c'était la pédale de frein qui avait cassé en magnésium, très légère. Le poids, c'est l'ennemi en course. Et bon, on essaie toujours d'être à la limite de la solidité et du poids le plus léger possible. Et après, ça a été démenti. Non, ça n'avait pas été la pédale qui a cassé. Enfin bref, il s'est retrouvé sans frein. Et on l'a vu passer, on était quelques camarades là. Parce que pourquoi on s'était mis là? Non pas en attendant l'accident, pas du tout. C'est parce qu'à cet endroit-là, c'était un point stratégique du circuit et que les voitures arrivant lancées, elles pouvaient se dépasser au freinage pour le pilote qui osait freiner 5 ou 10 mètres un peu plus loin que les autres. Il pouvait déboîter, freiner un peu plus tard, donc passer devant. C'est en général dans ces zones-là que les dépassements se produisent, donc que les courses se jouent. C'est pour ça qu'on était là. Et quand Regazzoni a débouché, il est donc passé devant nous. Dans le seul bruit de ses pneus roulant sur l'asphalte. Il avait dû essayer, quand il a vu que les freins n'opéraient pas, de mettre de cinquième en quatrième, et comme il était trop vite, que c'est une boîte synchro, il a dû être surpris par le fait que la pédale s'enfonce ou qu'elle disparaisse sous ses pieds, enfin ne rien avoir sur son pied droit. Il n'a pas dû pouvoir bien actionner son accélérateur en faisant point de talon comme on le fait habituellement. Et le moteur a calé, quand il s'est trouvé au point mort, il a sorti le levier de la cinquième, il n'a pas pu rentrer en quatrième, il est passé devant nous, donc au point mort, moteur coupé, et dans le seul feulement de ses pneus sur le ciment, la piste, et... Quelle vitesse à peu près ça devait faire ? Oh ben, 280, quelque chose comme ça. Mmh. Et là, donc, il s'était perdu, quoi, pour lui. Et malheureusement, quand on avait fait un tour de circuit, Jacques Lafitte m'avait fait faire un tour de circuit en arrivant le jeudi, et avec sa voiture personnelle, on avait fait un tour, puis on dit, tiens, là, c'est comme ci, là, c'est comme ça, là, ça sera en deuxième, là, ça sera en troisième, faudra pas braquer trop tard, ou bon... Et puis quand on était arrivé au bout de la ligne droite, Jacques et moi, enfin, on avait regardé le bout de l'échappatoire qui mesurait à tout casser 50 mètres, et on avait exprimé le vif regret que cet échappatoire ne se poursuive pas pendant 400 mètres, puisque c'est une espèce d'autoroute, Shoreline Drive. Ils auraient pu prolonger, il n'y a pas de spectateurs derrière, rien du tout. Ils auraient pu faire une échappatoire de 400 mètres, et puis au bout de 400 mètres, de mettre des obstacles amortisseurs en mou, etc., pour qu'une voiture qui est privée de frein ou de direction ou tout autre incident mécanique puisse ralentir, décélérer, et puis arriver mourante sur des obstacles amortisseurs. Et là, malheureusement, l'échappatoire mesurait à tout casser 50 mètres. Alors, comme il freinait à peu près à 150 mètres, 200 mètres après le point où il a sollicité ses freins, où ses freins n'ont pas répondu, il y avait un mur en dur qui était devant lui, donc étant donné la vitesse roulée à laquelle il roulait et le manque de freins, il était obligé de le percuter très fort. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté sur le mur de gauche pour frotter la voiture contre le mur de gauche, pour essayer de la ralentir un petit peu, et là, Zunino, qui était à l'époque le deuxième pilote de Brabham, avait eu un accrochage au moment du départ et s'était arrêté avec le train avant faussé dans l'échappatoire, du côté gauche de la route, et Regazzoni a commencé par tamponner la voiture de Zunino, qui était stationnée dans l'échappatoire depuis le début de la course. Ça l'a un petit peu aidé, ça lui a déjà fait perdre, le premier impact lui a fait perdre un peu de vitesse, et après ça, la voiture a été projetée au fond de l'échappatoire, et là, il y avait plusieurs épaisseurs de pneus, de vieux pneus qu'on entasse, pour faire amortisseur, pour que absorber un petit peu l'énergie cinétique en douceur. Et malheureusement, étant donné la vitesse à laquelle il roulait, il a dû aborder les premiers pneus à quelque chose comme 200 à l'heure, peut-être plus, je ne sais pas. Enfin, c'était effrayant, absolument effrayant. Et bon, il a eu peut-être une épaisseur de caoutchouc de 1 mètre, 1,50 m pour se ralentir avant d'atteindre le béton. C'était un bloc de béton posé à même le sol, de plusieurs tonnes, et sous la force de l'impact, le bloc de béton a ripé sur le sol, malgré la grosse adhérence. Il a ripé de plusieurs centimètres, une vingtaine de centimètres, je sais plus quoi. La voiture s'est brisée en deux par le milieu, et curieusement, ça lui a évité des fractures aux jambes, parce que tout l'avant de la voiture s'est relevé, elle s'est brisée en deux. Comme si elle avait été munie de charnières au milieu de son châssis. L'avant s'est relevé à la verticale. Mmh. Elle était en équerre, si on veut, après le choc. Et c'est ce qui fait qu'il a eu des lésions extrêmement graves à la colonne vertébrale. Alors, bon, quand après le choc, il y a eu de la poussière, on voyait pas très bien ce qui se passait. On était un petit peu tous abasourdis parce qu'on venait de voir, quoi, un truc absolument épouvantable. Et puis, il y avait au bout de l'échappatoire, là-bas, il y avait un ancien pilote, Dan Gurney. Qui se trouvait là, qui s'est penché pour secourir, il est allé avec les secouristes, il a couru vers Regazzoni, et Clay était conscient et parlait attention, j'ai mal, je sais pas où, je sais pas ce qu'il pouvait dire. Et Gurney s'est relevé et s'est tourné vers les gens qui étaient à l'intérieur de l'épingle, comme mes camarades et moi, et il a dressé un pouce qui signifiait il est vivant. Mais malheureusement, il était tellement touché qu'aujourd'hui encore, il marchera plus, quoi. Il est sur une petite chaise. Il vient, il est commentateur à la télévision, à la RAI. Entrée et sortie chicane, plus remontée ligne droite à travers les arbres. Sur la piste de Jarama, près de Madrid, les essais ne commenceront qu'en milieu d'après-midi. L'asphalte fond à 50 degrés. Les voitures glisseraient dessus et les pneus cloqueraient dès le premier tour. Jim s'allonge pour une sieste. Store baissé, qui ne bouge pas malgré la fenêtre ouverte. La rue. Une pression monte de la rue, comme des cris parmi les bruits habituels d'une rue, ou des ondes. Une pression que tu crois sentir, que tu es seul à sentir, car il n'y en a pas. Il n'y a pas d'esprit qui savent et se disent Corta a ses chances maintenant, qu'il peut remporter le non, n'imagine pas la ferveur, tu la subiras ces dimanches. Le regard de Jim va des stores au mur blanc, face au lit. Le mur blanc. Il y trace mentalement le circuit de Jarama. Retrouve un à un les repères. Répétition. Circuit au mur blanc. Le virage après la tribune porte le nom de Nuvolari. Gamin, Jim avait lu que Tadio Nuvolari ne fut jamais si casse-cou qu'après la mort accidentelle de sa femme et de sa fille, jusqu'à trouver la mort. Le mur blanc. Le bon état. L'état d'avant la victoire, il te fuit depuis que tu es ici. Cherche. Cherche dans le froid du mur. Dans le silence, au-delà des chiffres et repères de pistes. Cherche. C'était froid et vide. La pression, la tension est trop forte. Ferait-elle fuir le bon état? Tu ne sais plus si la pression est là ou si tu l'imagines. Tu ne sais plus si tu entends ou crois entendre ce qui monte de la rue. Jim referme les yeux. On est maintenant dimanche matin et il remue ça encore. Souviens-toi comme tu l'avais retrouvé en montagne à Zeldweg. Tu avais fermé les yeux, après t'être répété tous tes repères, et passé le circuit en mémoire. En toi, il avait tourné et tourné avant que tu y tournes. Et puis, souviens-toi, pour demain, car il faut encore. Il rouvre les yeux, ramasse le journal. Thank you. Bibi mon, Bibi mon, como en volanta. Ay, ay, andamos de aquí pa' allá. Vivimos, vivimos como en volanta. Un árbol no puede medrar. Fin 71, Grammy avait été déjà couronné champion du monde deux fois, en 62 et 68, et ayant subi un accident grave qui avait occasionné de graves blessures aux jambes, il n'avait pas réussi à revenir à son plus haut niveau. Et je me souviens qu'en 71, donc là il était sur la pente descendante, il était plus grand Grammy qu'il avait été précédemment, il avait toujours la même passion de la course, du pilotage, il aimait ça vraiment follement. Et c'était en fin de saison, c'était à la fin d'une petite temporada en Amérique du Sud, trois courses au Brésil, la dernière en Argentine. Et c'était au mois de novembre. Et bon, la course était finie, c'était le lendemain, on allait prendre l'avion, on était au bord de la piscine, la tournée était finie, on allait rentrer. Et puis, bon, il se baignait, moi j'étais assis au bord de la piscine, et puis à un moment donné, il aboutit à côté de moi, il vient au bord de la piscine, il se repose un peu, il croise les bras sur le rebord, il se laisse flotter dans l'eau comme ça, puis il me dit, quand je pense qu'il va falloir attendre 4 mois avant la prochaine course, ça va être affreusement long. C'est le pilote qui est devant qui aspire le pilote qui est derrière. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il s'agit pour celui qui est derrière de profiter de l'élan de celui qui est devant pour avoir suffisamment de propulsion lorsque on va se retrouver à côté de lui, avoir eu suffisamment d'élan pour le dépasser. Et c'est curieux, c'est un affrontement. Le mot d'affrontement ici est totalement inadéquat. On n'est pas face à face. On profite du fait qu'on est derrière, c'est grâce au fait qu'on est derrière qu'on va peut-être doubler l'autre. C'est une queue leu-leu. Il y a différentes façons de dépasser. selon les... J'entends les grands champions, puisque tous les artistes ne sont pas des grands artistes, tous les champions ne sont pas des grands stylistes. Dans la façon de dépasser, il y en a qui dépassent en force. Un Keke Rosberg passe en force. C'est-à-dire qu'à certains moments, il est derrière le concurrent à 1 mètre, 2 mètres, parfois 50 centimètres. Ils sont à la corde et il fait comprendre à l'autre que lui, il passera et qu'il faut que l'autre s'écarte. Il l'a fait de temps en temps. Une fois, Arnoux ne l'a pas laissé passer. Ils sont rentrés dedans à 240 à l'heure. Ils ont failli se tuer. Bon, ça, c'est le côté, je dirais, bûcheron de Rosberg. Lauda a une autre façon de doubler qui, là aussi, vous allez voir, est révélatrice de la psychologie du personnage. Lorsqu'il sent un concurrent qui va être difficile à doubler parce que les performances de la voiture sont égales, il le guette pendant quelques tours. Ça peut durer 2 tours, ça peut durer 10 tours. Il le guette et il lui fait comprendre qu'il le guette. Mais comment lui faire comprendre? Il reste bien dans son sillage et puis il déborde à gauche, à droite de façon très brutale. L'autre se croit donc que l'attaque est portée. Non, non, elle n'est pas portée. Et Lauda fait ça pendant 2-3 tours. C'est ce qu'on a vu par exemple à Dijon lorsqu'il fallait doubler Tambay. Et là, à ce moment-là, et Lauda le raconte, il attend qu'avec cette tactique, l'autre, affolé, finisse par sortir de la route. C'est ce qu'a fait Tambay à Dijon. Et puis, évidemment, tous ne sont pas dans la situation de s'affoler, donc à un moment, il faut le dépasser. Et à force d'avoir fait ce manège pendant plusieurs tours, de débusquer l'autre à gauche et à droite, l'autre, à un moment, finit par ne croire qu'il n'y aura que tricherie de la part de Lauda. Donc il fait toujours ce manège, mais qu'il ne doublera pas. Et c'est au moment où l'attention de l'autre se relâche que tout d'un coup, Lauda l'avale littéralement, c'est-à-dire déborde à gauche et se rabat immédiatement, au point que parfois, il accroche l'aileron avant ou un petit peu la roue. Ça s'est passé en 84 2 fois, je l'ai remarqué. À Rio, lorsqu'il a doublé Warwick sur la Renault, il a accroché l'aileron de la Renault. Et ça a endommagé la Renault gravement. Et à Estoril aussi, il a eu beaucoup de mal à doubler la Tolman Johansson. Et lorsqu'il s'est rabattu, il a accroché l'aileron, ça a accroché son pneu. Et quand on a vu à la fin de la course, le pneu de Lauda était bien entamé. Mais cette façon d'avaler, n'est-ce pas, est assez... Il y a une espèce de sadisme tactique. Une espèce de côté... Lauda est probablement le pilote le plus politicien. Il ne faut pas croire d'ailleurs que c'est un avantage d'être derrière le premier. On pourrait dire, oui, après cette explication, cette narration, on pourrait croire que être devant, c'est finalement c'est très très difficile et derrière on n'a qu'à suivre. Mais en fait, on suit à 50 cm ou à 1 mètre de l'autre, qui est dépourvu de stop, signalant qu'il va commencer à freiner. On a déjà parlé du fait qu'il faut anticiper. Mais alors comment va-t-on anticiper sur l'imprévu? C'est tout le problème du sport, toujours. Gérer les impondérables. Mais là, on arrive à une quintessence de ce problème, parce que si je n'arrive pas à anticiper ce que va faire le bonhomme devant moi, c'est terminé pour moi, pour lui aussi peut-être. Mais c'est terminé pour moi. Et ça se passe en tournant, en accélérant, en rétrogradant... En se faufilant, en doublant parfois au besoin des concurrents attardés, en restant toujours à 1 mètre. Parce que si on perd de la distance devant chaque moment difficile, l'effet psychologique est totalement anéanti. Il faut donc garder sans arrêt ce... Parfois, on voit les voitures, on a l'impression qu'il n'y en a qu'une. Puis elles arrivent, elles sont juste devant nous de profil, on pourrait croire qu'une remorque l'autre. Puis elles nous ont dépassés, on n'en voit qu'une, c'est la deuxième. Et on parle d'ailleurs du phénomène de wagon. On dit parfois, ah voilà un gros wagon qui arrive, 4, 5 voitures à la suite. C'est là que se passent les bagarres de furieux d'ailleurs, puisque s'il y a un peloton de 4 ou 5 voitures en ligne droite, c'est le moment où on va pouvoir doubler. Quel est le premier qui va se déboîter? Si tout le monde décide de se déboîter, évidemment en dehors du premier en même temps, on a droit à un quadruple carambolage. Et pourtant, il arrive très souvent que tout le monde se mette à déboîter en même temps et il n'y a pas de carambolage. À ce moment-là, on assiste à un faufilement. Chacun cherche sa place, à gauche, à droite. C'est pire que le tricot, c'est comme une fugue de Bach. La transfusion du solo, de l'alto, du soprano, qui monte, qui descend, qui revient... quand deux pilotes en tête se battent pour prendre le commandement, je voudrais analyser ce qu'on a appelé le plaisir esthétique. Hein ? Qu'est-ce qui fait qu'on est passionné par ce moment ? Comme tu le dis, ils sont si proches l'un de l'autre. En même temps, il s'agit de doubler l'autre. Ils sont donc dans l'adversité, mais en même temps complètement solidaires. C'est-à-dire que le second dépend de la moindre bêtise que fait le premier. Et c'est ça qui fascine, je crois. C'est-à-dire qu'ils sont complètement adversaires, il s'agit vraiment de doubler l'autre, mais en même temps, on dépend de sa réaction. Solidaire dans l'adversité. Une autre chose à propos du sentiment esthétique. On a parlé de l'esthétique de la voiture qui tient lieu à la rencontre parfaite d'un certain nombre de paramètres, puissance, tenue de route, finesse, adhérence, souplesse à bas régime, etc. On a dit que c'était l'exactitude mécanique. Deuxième chose, la beauté d'un pilotage, c'est l'exactitude du pilotage, c'est-à-dire le rapport, la façon qu'a le pilote de pousser sa voiture à bout, mais juste assez, non seulement pour rester dans la piste et tirer le meilleur parti de la piste, mais aussi pour tirer le meilleur parti de la voiture. Et on touche là à deux autres zones, c'est-à-dire que ces deux exactitudes, pour faire une très belle course, doivent rencontrer deux hasards. Le hasard de la mécanique. Et on sait que l'abandon, la panne mécanique, c'est la grande malchance, la malchance constante, presque constante, d'une course automobile. Donc il faut que le pilote soit suffisamment attentif, comme quand on est en rapport amoureux, attentif à l'autre. Donc un rapport attentif à la voiture pour qu'il ait avec lui le hasard de la mécanique, c'est-à-dire une mécanique qui ira non seulement très vite, mais qui sera amené souplement jusqu'à la fin. Et il y a un deuxième hasard, c'est tout simplement le hasard de la course. C'est-à-dire, je rentre dans ce virage et à l'autre bout, il y en a un qui vient de sortir parce qu'il a une panne d'essence, ou l'autre parce qu'il a eu un carambolage ou il a fait une sortie de route, etc. C'est-à-dire que tous ces incidents, il va falloir les maîtriser. Mais on comprend bien que le hasard de la machine, que l'homme dépend du hasard de la machine, mais c'est la figure moderne du hasard, la mécanique. Et on sait aussi que pour Descartes, il n'y a pas loin de la mécanique à la métaphysique. Le paradoxe, un peu en Formule 1, pour justement reconnaître ces deux hasards et ces deux principales qualités, c'est qu'elles se doivent absolument d'être répétitives. C'est-à-dire que d'un tour à l'autre, le bon pilote est celui qui met sa roue avant droite exactement au même endroit qu'au tour précédent. Et cela jusqu'à la fin de la course. Alors, il pourrait y avoir une contradiction, puisqu'il s'agit de monotonie, on se répète, mais c'est la chose la plus difficile. Plusieurs pilotes peuvent faire un tour miraculeux dans une course parfaite. Le problème du grand champion et sa révélation, c'est justement de pouvoir le faire pendant 60 fois en 2 heures. Il s'agit de soutenir cette concentration, cette hargne ou ce vide intérieur. Il faut le soutenir. Tout le problème est dans ça. Dans le soutien, pendant 2 heures. C'est une force de concentration qui est unique, dans ce sens qu'elle doit absolument s'étaler d'une façon égale, parce que ça ruinerait les chances d'un pilote de faire un tour magnifique pour finalement user ses pneus, user sa mécanique et être incapable de corriger et finalement de finir la compétition. La première fois peut-être que j'ai assisté à un Grand Prix, j'étais émerveillé par certains pilotes tout en dérapage avec les pneus arrière la plupart du temps à l'avant, des choses comme ça. Je me disais, mais quel fou, quel extraordinaire pilote. Et là-dessus, on voyait Loda ou Patrick Depailler, qui était un champion français de l'époque, qui courait sans histoire. Mais sans histoire, il ne perdait pas de temps. L'homme heureux n'a pas d'histoire en compétition automobile, c'est absolument flagrant. S'il peut dire que tous ses tours se sont révélés de la même manière, et d'ailleurs les plus grandes victoires des plus grands champions, ils les disent toujours en disant « c'était formidable, il ne s'est rien passé ». Oui, les déclarations de Lauda en 84 étaient d'ailleurs très diplomatiquement adressées à l'adversaire de la même écurie, à Prost. Lorsqu'il avait gagné, on lui demandait « Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de votre victoire? Comment ça s'est passé ?» Il répondait toujours avec le même communiqué de presse. Les pneus étaient parfaits, le moteur aussi, la voiture aussi. Merci. Le grand cirque de la Formule 1 avec Laurent Condominas, André Velter, Johnny Rive, l'équipe, Jean-Francis Held, l'événement et Jean-Philippe Domecq. Les textes de Roger Vaillant avant les 24 heures du Mans et Jean-Philippe Domecq, Sirène, Sirène, étaient lus par Laura Duke et Jean-Philippe Domecq. Nuit magnétique, Claude Courteau, Pierre Monteil, Mehdi El-Hadj. Demain, suite du grand cirque de la Formule 1. Bonsoir. Cette émission a été diffusée la première fois le 18 juin 1985 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.